On fait danser tout ton village un peu comme Amélie Poulain. En attendant d'avoir le bronze, bah moi frérot Jean Coulin. Pendant que Nesta en roulin, sur la scène je suis en roue libre. Si un concert Jean Loupin, c'est la faute de mon toubib. Équipe de Toubab qui aime pas faire des manières. Tu fais danser ton rap, moi c'est la prod, ma cavalière. Dire qu'avant ça cavalait pour faire péter nos carrières. J'ai rempli 200 cahiers et 200 meufs cavalaient. Pareil que j'ai la boussole, c'est moi qui ai la rime sale. Ta femme apprécie ça alors que la mienne a fait son sac. Pourtant je suis un mec sensé qui sait s'amuser sans. Si le sang te fait danser, c'est que ma rime est sans sas. Dans le sas de l'Arcadia, j'ai déposé mon armure. Mais tant que mon Arthur, ça sera Boomba, pas la dure. Chez la Boubou, on assure, j'y ai trouvé des cassures. Apprendre de nos cassures et de nos blessures, car y'en a. Les orteils en éventail, on a arrêté la détail. Parqués comme du bétail, nos banlieues ne sont pas qu'à détail. Potentiel inexploité d'après nos conseils de classe. Ici, la vie te chlasse et depuis le début, c'est taille. On cherche à combler nos failles, insensibles face à la fouille. Même si l'hiver y caille, nous on reste dehors entre couilles, élevé dans la débrouille, quand faut y aller on embraye. Tu peux me toucher ma rime du doigt comme si c'était du braille. Et toi tu brailles dès que t'as pas tout ce que tu veux. T'en aurais eu sa mitraille seulement pour un 12 grammes de bœuf. Quand je vois mes gars je me dis qu'ils ont plus trop de cheveux. Quand je vois vos sœurs je me dis je peux vous faire trop de neveux. Nourri à la verdure et pas pour être un écolo. J'ai le rhum rigolo alors je passe pour un alcoolo. Noyé dans l'amertume faut pas m'en vouloir je perds pied. À défaut de faire la thune et pas je viens juste vous faire chier. Et pas je viens juste vous faire chier. Pierrot à la prod.